Le colpi avait accusé le coup. Dépité, balbutiant quelques mots décousus, il avait quitté les lieux, honteux et confus, se jurant de ne plus y revenir. Depuis, il passait ses journées à dormir, couché sur la banquette du salon, ou affalé, sur la table encore servie, repoussant d'un large revers de la main les couverts sales qui s'entassaient dans un désordre puant. Ses nuits n'en finissaient pas. Il n'éprouvait plus le besoin de sortir, sauf par nécessité, quand il n'avait plus rien à boire. Le colpi avait lentement mais sûrement sombré dans la boisson et ne prenait plus aucun soin, ni de lui, ni de l'appartement. Sa sœur, Amélie, l'appelait de temps à autre, l'invitant vainement à venir prendre un repas quand bon lui semblerait. Devant ses refus répétés, elle avait espacé ses visites. Josie, sa belle-fille, lui proposait souvent aussi de passer chez eux, mais ils avaient leur travail et leurs obligations, et Marcel craignait, sans le dire, que son fils, une fois de plus, ne lui reproche plus ou moins ouvertement sa conduite d'autrefois. Le jour, la nuit, rien ne semble plus avoir de l'importance pour l'ex-fringant gigolo abasourdi par la perte de Marie. Jusqu'au jour où, sans nouvelles depuis des lustres, sa sœur, inquiète, avait débarqué, sans crier gare, rue des Acacias. Elle l'avait trouvé, dans la pénombre, mal rasé, le cheveu hirsute, une chemise fripée largement ouverte, retombant sur un pantalon luisant de crasse repassée, au milieu de détritus et de canettes qui commençaient à envahir l'appartement. Elle était entrée dans une colère incroyable et l'avait traité de tous les noms, accablé de tous les maux, et même menacé de le faire hospitaliser, tant son état de délabrement l'avait frappé. Elle s'était emparée, malgré lui, d'un balai et avait commencé un nettoyage en règle, quand soudain, une furtive petite souris avait surgi d'un carton déposé dans un coin de la cuisine. Sa rage avait décuplé, et elle avait fini par le convaincre de venir chez elle quelques jours, le temps de lui rendre une maison saine et enfin propre. Marcel s'était rendu à l'évidence et l'avait suivi un peu à contre-cœur, mais sans grande réticence. Amélie avait fait appel à Annette, une amie d'enfance, veuve elle aussi depuis des années. Elles étaient venues ensemble nettoyer l'appartement du colpi.